vois, j'suis bon qu'à écrire des textes de merde. Les gens nous aiment un peu plus sans la misère. Ray la couronne à l'odeur du guet. Bon qu'à peser les grammes, bon qu'à peser les mots. J'ai plus trop le temps de me voir dans le miroir. J'essaie de comprendre, j'suis devenu tard le soir. J'ai goûté, j'aime plus, un jour je regretterai. Pour l'instant je doute, un jour je regrette. Spi s'en va, comme toi, bientôt. Je continuerai en bas, compter les zéros. Parce que j'suis contaminé, j'ai que ça pour exister. J'viens d'où t'as pas idée. Quand j'aurais plus d'aide, j'm'en irai. C'est le monde ou là, j'l'ai vu ou là. Mais ce n'est pas ce que j'crois émane. Mais tu sais quoi, peut-être que des fois, peut-être que c'est moi. J'ai chaud au crâne. J'ai grandi dans le zoo, j'suis niqué pour la vie. Même si j'meurs sur une plage, j'suis niqué pour la vie. Parce que ceux que j'aime ont la haine, j'suis niqué pour la vie. Parce que j'cours après ce bif, j'suis niqué pour la vie. Merci pour les étoiles que t'as posées sur mon ciel. J'suis pas de trop près si tu veux garder tes ailes. J'récolte ce que je saigne, que le bonheur te prenne. J'ai lâché ma haine, j'ai causé ta peine. J'fais pas trop confiance, c'est la rue. J'confie ma conscience à la lune. On danse la misère, on parle la guerre. Charbonne pour pas se perdre, 22 sur Casper. T'as bien, j'échappe comme on tézou. Comme le batsé, comme un demain Zulu tienne. Je m'en bats les couilles du trou, j'préfère être debout pour compter. Comme ça j'vois mieux la monnaie arriver. Comme ça j'vois mieux les haineux arriver. Avec une belle arme en train de chavirer. Zulu Chain, Zulu Chain, Zulu Chain. Je m'en bats les couilles du trou, j'préfère être debout pour compter. Comme ça j'vois mieux la monnaie arriver. Comme ça je vois mieux les haineux arriver. Avec une belle arme en train de chavirer. Zulu Chain, Zulu Chain, Zulu Chain. Si tout ça se résume à raconter ma haine, priez pour qu'un jour change de thème. Malgré tous ces billets, j'attraperai jamais ce temps. Je vois mon âme qui chavire en bord de mer. Je pense pas à toi qu'une fois sur deux. J'ai pas pu être riche avant. Baba, pour ton sourire, je donnerai ma vie. Et peut-être même ma place au paradis. Je sais très bien que mon vécu n'est qu'un leurre. À côté de ta vie de merde. Je montais sur le toit pour finir en pleurs. Seul à penser, je baise le monde. J'ai pas trop aimé, mais tant que toi tu m'aimes. Leurs faux sourires, je les vois. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ces sourires que tu croises et qui changent quand on tourne le dos. Dis, tu penses que Dieu nous écoute? Dis, ces gens ne sont pas très fidèles. Dis, Ferrand, je me sens comme toi. À me dire que je partirai sur la vie est belle. Sur l'épaule j'ai le Zoulou. Pour pas oublier que je tiens d'un roi. Ce monde serait moche sans toi. Et je refuse le paradis si t'y es pas. Putain, ton cœur est fort. Tu te rappelles, on était type peu. Toi, t'avais le tarpé. Tu nous disais, papa, reviens d'ici peu. J't'aime, j't'aime, j't'aime. J'rêve d'effacer tes cicatrices. Et pour sauver le monde entier, j'donnerais pas un gramme ta vie. Je m'en bats les couilles du trou, j'préfère être debout pour compter. Comme ça, j'vois mieux la monnaie arriver. Comme ça je vois mieux les haineux arriver. Avec une belle arme en train de chavirer. Zulu Chain, Zulu Chain, Zulu Chain. Je m'en bats les couilles du trône, j'préfère être debout pour compter. Comme ça je vois mieux la monnaie arriver. Comme ça je vois mieux les haineux arriver. Avec une belle arme en train de chavirer. Zulu Chain, Zulu Chain, Zulu Chain.